Un malentendu par Alphonse Daudet. Version du mari. J'avais pensé à tout, pris toutes mes précautions. Je ne voulais pas d'une parisienne parce que les parisiennes me faisaient peur. Je ne voulais pas d'une femme riche qui m'apporterait avec elle tout un train d'exigences. Je craignais aussi la famille, ce terrible enlacement d'affections bourgeoises, accapareuses, qui vous emprisonne, vous rapetisse, vous étouffe. Ma femme était bien ce que je rêvais. Je me disais, elle me devra tout. Quelle joie de former cet esprit naïf aux belles choses, d'initier cette âme pure à mes enthousiasmes, à mes espérances, de donner la vie à cette statue. C'est qu'elle avait l'air en effet d'une statue avec ses grands yeux sérieux et calmes, son profil grec si régulier, ses traits légèrement arrêtés et sévères, mais adoucis par le flou des jeunes visages, ce duvet nuancé de rose, l'ombre des cheveux soulevés. Joignez à cela un petit accent provincial qui faisait ma joie, que j'écoutais les yeux fermés comme un souvenir d'heureuse enfance, l'écho d'une vie tranquille dans un coin bien loin, bien ignoré. Et dire que maintenant, cet accent-là m'est devenu insupportable. Mais alors j'avais la foi. J'aimais, j'étais heureux, disposé à l'être encore plus. Plein d'ardeur au travail, j'avais sitôt marié, commencé un nouveau poème, et le soir je lui lisais les vers de la journée. Je voulais la faire entrer complètement dans mon existence. Les premières fois, elle me disait « c'est gentil ». Et je lui étais reconnaissant de cette approbation enfantine, espérant qu'à la longue, elle comprendrait mieux ce qui faisait ma vie. La malheureuse, comme j'ai dû l'assommer. Après lui avoir lu mes vers, je les lui expliquais, cherchant dans ses beaux yeux étonnés la lueur attendue, croyant l'y voir toujours. Je l'obligeais à me donner son avis et je glissais sur les sottises pour retenir seulement ce que le hasard lui inspirait de bon. J'aurais tant désiré en faire ma vraie femme, la femme d'un artiste, mais non, elle ne comprenait pas. J'avais beau lui lire les grands poètes, m'adresser au plus fort, au plus tendre. Les rimes d'or des poèmes d'amour tombaient devant elle avec l'ennui et la froideur d'une averse. Une fois, je me souviens, nous lisions la nuit d'octobre. Elle m'interrompit pour me demander quelque chose de plus sérieux. J'essaye alors de lui expliquer qu'il n'y a rien de plus sérieux au monde que la poésie, qu'elle est l'essence même de la vie et flotte au-dessus d'elle comme une lumière vibrante où les mots, les pensées s'élèvent et se transfigurent. Oh, le sourire dédaigneux de sa jolie bouche et la condescendance du regard. On eût dit que c'était un enfant ou un fou qui lui parlait. Ce que j'ai dépensé ainsi de force, d'éloquence inutile, rien n'y pouvait. Je me butais perpétuellement à ce qu'elle appelait le bon sens, la raison, cette excuse éternelle des cœurs secs et des esprits étroits. Et ce n'est pas seulement la poésie qui l'ennuyait. Avant notre mariage, je l'avais crue musicienne. Elle paraissait comprendre les morceaux qu'elle jouait, soulignés par son professeur. À peine mariée, elle a fermé son piano, renoncé à la musique. Savez-vous rien de plus triste que cet abandon par la jeune femme de tout ce qui plaisait dans la jeune fille? La réplique donnée, le rôle fini, la genue quitte son costume. Tout cela n'était qu'en vue du mariage, une surface de petits talents, de jolis sourires et de passagère élégance. Chez elle, le changement a été instantané. J'avais d'abord espéré que le goût que je ne pouvais pas lui donner, l'intelligence de l'art, des belles choses, lui viendrait malgré elle dans cet admirable Paris, où les yeux, l'esprit s'affinent sans s'en douter. Mais que faire d'une femme qui ne sait pas ouvrir un livre? Regarder un tableau, que tout ennuie, qui ne veut rien voir. Je compris qu'il fallait me résigner à n'avoir près de moi qu'une ménagère active et économe, oh, très économe. La femme, selon Proudhon, rien de plus. J'en aurais pris mon parti. Tant d'artistes sont dans mon cas, mais ce rôle modeste ne lui suffisait pas. Peu à peu, sournoisement, silencieusement, elle est arrivée à éloigner tous mes amis. Devant elle, nous ne nous gênions pas. Nous parlions comme par le passé, et de nos exagérations artistiques, de nos axiomes fous, de ces paradoxes où l'idée se travestit pour mieux sourire, elle ne comprenait ni la fantaisie, ni l'ironie. Tout cela ne faisait que l'irriter et la confondre. Assise dans un petit coin du salon, elle écoutait sans rien dire, se promettant bien d'éliminer un à un tous ceux qui la choquaient si fort. Malgré le bon accueil apparent, on sentait déjà chez moi ce petit courant d'air froid qui vous avertit que la porte est entrouverte et qu'il sera bientôt temps de s'en aller. Mes amis partis, elle les a remplacés par les siens. Je me suis vu envahir par un monde inepte, étranger à l'art, ennuyeux, et méprisant profondément la poésie parce que ça ne rapporte pas. Exprès, on citait très haut devant moi les noms des faiseurs à la mode, des fabricants de pièces et de romans à la douzaine. Un tel gagne beaucoup d'argent. Gagner de l'argent, tout est là pour ces monstres, et j'avais la douleur de voir ma femme penser avec eux. Dans ce milieu sinistre, toutes ses habitudes provinciales, ses vues mesquines et bornées s'étaient rétrécies encore en une incroyable avarice. 15 000 francs de rente. Il me semble pourtant qu'avec cela, on pouvait vivre sans souci du lendemain. Eh bien non. Je l'entendais toujours se plaindre, parler d'économie, de réforme, de placements avantageux. À mesure qu'elle m'envahissait de ces détails bêtes, je sentais s'en aller de moi le goût du désir du travail. Parfois elle venait près de ma table, feuilletait dédaigneusement les vers commencés. « Que ça ? » disait-elle, en comptant les heures perdues sur ces insignifiantes petites lignes. « Ah, si j'avais voulu l'écouter, ce beau nom de poète que j'ai mis tant d'années à me faire, traînerait maintenant dans la boue noire des productions à outrance. Et quand je pense qu'à cette même femme, j'avais livré d'abord tout mon cœur, tous mes rêves, quand je pense que ce dédain qu'elle me témoigne parce que je ne gagne pas d'argent date des premiers moments du mariage. Vraiment, j'en ai honte pour moi et pour elle. Je ne gagne pas d'argent. Cela explique tout, le reproche de son regard, son admiration pour les banalités productives, jusqu'à cette démarche qu'elle a faite dernièrement pour m'obtenir je ne sais quelle place dans un bureau du ministère. Par exemple, j'ai résisté. Il ne me reste plus que cela, une volonté inerte, faite à tous les assauts, à toutes les persuasions. Elle peut parler pendant des heures, me glacer de son plus froid sourire. Ma pensée lui échappe toujours, lui échappera toujours. Et nous en sommes là, mariés, condamnés à vivre ensemble, des lieux entiers nous séparent. Ce dont nous sommes trop là, trop découragés pour tenter un pas l'un vers l'autre. En voilà pour la vie, c'est horrible.